La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de 18h, j'espère que vous allez tous bien. Autour de moi, c'est cette table, j'ai toujours les mêmes chroniqueurs et j'adore avoir les mêmes chroniqueurs, à savoir Nicolas James, comment que c'est ? Oh bah ça va, moyen. Non je rigole, ça va très bien, salut. Excellent. Et Jocelyn qui avait que 2 minutes de retard tout à l'heure, et c'est fort. Encore un record pour moi aujourd'hui, mais ça va très très bien. Ouais, je pense que tu peux passer du côté obscur de la chose un jour. Et venir à l'heure. Ouais. J'essaierai. Mais je pense que ça serait terne après. C'est vrai, je vais essayer de venir à 1 minute de retard pour la prochaine fois. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Jocelyn ? D'énormément de choses, je vais passer par le journal, la météo, et puis peut-être que j'irai... par-ci par-là, quoi. Voilà. Et oui. Et James, tu veux nous parler de... De plein de choses. Je vais vous parler de le jour où qu'on est, c'est-à-dire le 12 mai. Et tout à fait. Voilà, et plein d'autres choses. On est le 12 mai. Et moi, je vous parlerai, bien sûr, du spectacle des Tantans, puisqu'il y aura un des Tantans qui sera invité aujourd'hui, puisque c'est demain le spectacle à la MJC Pichon à 20h30. On en reparle tout à l'heure, après le journal. Enfin, bien après le journal. Mais tout de suite, il est 18h et quelque chose. C'est le journal. Il est 18h et quelque chose, c'est le journal présenté par James, Jocelyn et Bibi. On commence tout de suite par James avec les informations nationales et internationales. L'agence de sécurité des produits alimentaires oblige Buitoni à lister la bactérie Escherichia coli parmi les ingrédients de ses pizzas. Cela fait suite aux nombreux scandales sanitaires dont le géant de l'agroalimentaire s'est trouvé responsable. La marque a déjà annoncé qu'elle se plierait à la réglementation et envisage une grande campagne de marketing pour cette nouvelle gamme de pizzas et colis. L'union de la gauche, déjà divisée sur la prononciation de son nom. Oui, on rappelle le nom peut-être ? N-U-P-E-S. Alors donc du coup certains prononcent NUPES, d'autres NUP, d'autres encore NUPS, voire NUPS. Voilà. NUPS. Martine Aubriel déclarait qu'elle prononcerait NUPES. Ah oui, ah ouais. Elle nous pèse. Pardon. Après Twitter, Elon Musk aurait décidé de racheter Fadjet94.2. Effectivement, ce sont les rumeurs qui circulent auprès du milliardaire américain. Rappelons en tout cas que Elon Musk est un bienfaiseur de l'humanité. C'est vrai. C'est un grand visionnaire et globalement, c'est quelqu'un qui sent très bon. Voilà, donc s'il rachète Fadjet. On a une idée de pourquoi quand même ou pas? Non, pas du tout. Probablement grâce à cette émission. Je pense que cette émission a propulsé Fadjet sur le devant de la scène et Elon Musk n'est pas sans le remarquer. Oh, Elon, si tu nous écoutes, eh bien, sois le bienvenu dans les locaux de Fadjet. Mais on nous écoute. Voilà, on a notre page invité showbiz et tu es le bienvenu. On passe tout de suite aux informations locales. Les informations locales avec Jocelyn, la piétonnisation de Nancy, une révolution attendue cet été à Nancy. C'est un véritable cortège qui est attendu en effet. Un groupe Facebook appelant à une véritable révolution, décomptant pas moins de 700 membres, serait à l'origine de ce mouvement. Armés de pieds de biche et de marteaux-piqueurs, les insurgés ne feront aucune pitié des rues piétonnisées nancyennes, NCIS est sur le coup. Un club échangiste ferme ses portes à Nancy toutes les 3 semaines environ. Depuis la réouverture des bars, c'est ce que constatent les patrons de ces établissements. Et oui, rappelez-vous, c'est le seul endroit qui était ouvert pendant la fermeture liée au Covid. Mais lueur d'espoir grâce aux élections présidentielles qui ont révélé à beaucoup de Français un côté sadomaso. Si bien que les clubs surfent dessus, la soirée à thème tous réunis dans l'urne a redonné espoir. Quant à l'attrait de ces endroits. Nancy, élue ville de France, la plus au milieu entre Metz et Épinal. C'est la question que tous les Français se posent, mon Tristan. Après qu'un communiqué soit sorti sur le groupe d'étudiants géomètres voulant calculer le centre parfait entre ces deux villes phares du patrimoine français, le résultat est tombé et ça serait exactement en face de Fadjet Radio. Un rassemblement des auditeurs est à prévoir devant les locaux ce vendredi à 18h. On peut rappeler quelles étaient les autres villes en compétition pour être exactement entre Metz et Épinal? Oui, il y avait Courvoisier, Salmines-Mézières et... Concarneau, je crois. Concarneau, en effet. Avec sa spécialité, l'œuf. L'œuf de Concarneau, j'allais dire les escargots. Merci pour ce flash info. On se retrouve pour le prochain flash info vers 18h30 quelque chose. On passe tout de suite à la météo. La météo. Regardez dehors. Le ciel sera magnifique et est magnifique avec quelques moustaches de nuages. Un jeudi soir parfait finalement, non ? 28 à Melun, 34 à Ajaccio et 230 degrés pendant 30 minutes pour le poulet. Oh ! Eh oui, ah, c'est la petite touche d'humour, mais en gros, soyez heureux et soyez dehors, il fait beau et bon. C'est pas un peu long pour le poulet de 230 degrés 30 minutes ? Si, mais moi j'ai toujours du poulet label rouge, donc ça sointe le gras. Je dirais que c'est court, moi. Ah ouais, d'accord. Non, okay. C'est 1 heure 1 kilo. Alors en fait, moi j'ai que des poulets de batterie. Donc moi je les achète déjà cuits en fait. Voilà, oui, d'accord. Ok, donc oui, ok. On va en débattre pendant que Christina Aguilera va nous chanter Genie in the Bottle. In a Bottle, pardon. Christina, bonjour. On se retrouve tout de suite pour l'éphéméride. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. L'éphéméride du 12 mai, c'est James qui nous en parle. Soyez les bienvenus dans cette éphéméride du 12 mai. Nous fêtons aujourd'hui les naissances de... Deux points, ouvrez les guillemets. Non, ah. J'ouvrais pas les guillemets. Non. Maurice Carême. Est-ce que quelqu'un dans ce studio connaît Maurice Carême? Non, alors à moins que ce soit un aïeul à toi. Non, c'est ton famille. Il m'est cher pour ces raisons-là, mais par contre, c'est un... Je pensais que tout le monde connaissait. C'est un peintre, non? Un poète pour les enfants. Et d'ailleurs, j'ai tiré, pour vous illustrer un peu, j'ai tiré ce poème. C'est de là vient l'ami Carême? Non, non, quoi? C'est juste son nom. Pour moi. L'ami Carême. L'ami cadeau. Peut-être. J'ai été pioché dans mon cahier de poèmes du CP, d'accord, un petit poème de Maurice Carême, et je vais vous le lire. Allez, c'est parti. Le chat et le soleil. Merci. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil. Mais non, oh, c'est mais vrai. Ça c'est ouais. Carême. C'est vrai de vrai. Ouais. Ok, d'accord. Ça c'était dans mon cahier de CP, voilà. Ok. Ça fait plaisir. Bon, bah, très voilà. Bien. En essence aussi, tout autre registre de ouais. Deux grands sportifs, Tony Hawk, qui vous parle sûrement. Tony Hawk. C'est le pote de Hawk, Thomas Hawk. C'est Épervier. Oui, mais non, là c'est un skater. Tu connais pas Tony Hawk? Tony Hawk. Hawk. Mais c'est qui? Il est bien sûr. Un skater. C'est un darman. Non, moi c'est basketteur que je connais. Mais... Oui, mais c'est le plus grand skater de l'histoire. Lui il est grand, donc c'est pas un basket. Et puis un autre fortiche en sport, John Alomou. Quand même, peut-être John Alomou. Grand nageur. Feu John Alomou. Feu John Alomou, voilà. Qui m'a un jour mal regardé de travers et qui en a payé le prix. Mmh. Alors, enfin ça c'est les naissances. Hein. Au niveau des morts, il y a un type intéressant dont le nom va vous dire quelque chose. Si je vous dis Lambert Sigisbert Adam. C'est Lambert Wilson dans Greystoke. Non. C'est l'inventeur du fromage la meule. Ah oui, oui c'est ça ouais. Ouais le fameux fromage la meule. Celui qu'on coupe avec une petite baguette. Oui, et à chaque fois qu'on coupe, on dit Lambert. Non, vous faites erreur. Il s'agit d'un homme qui a donné le nom d'une rue près de la Pépinière. Ah bon? Je pensais que tout le monde connaissait ça aussi. Visiblement, je me suis complètement trompé pour cette chronique. D'accord. Enfin bon, voilà, il s'agit d'un sculpteur né en 1759. Il est mort, malheureusement. Ouais. Et il avait fait des sculptures type le triomphe de Neptune et d'Amphitrite. Neptune, tout court. Neptune calmant la tempête accompagné d'un triton. Neptune à la plage, Neptune tout nu dans une cabine d'essayage. Ah, c'est marrant, il était très très que... fan de Neptune, quoi. Ouais. Et l'écrivain de Martine a repris ça derrière. Ouais, voilà, ça doit être ça. Hein. Mmh, tout à fait. Mais oui, c'est vrai. Bon, j'ai d'autres naissances. Il y a une catégorie, la catégorie des gens que tout le monde connaît, mais je sais pas moi exactement ce qu'ils ont fait. Alors vite fait. Michel Piccoli, Jacqueline Maillan, tout ça, c'est des noms, je ne sais pas du tout. Ah non, mais comment tu peux galvauder ces noms-là? Tu peux faire du joke, il n'y a pas de souci. On est là pour faire du joke, la matinale 18h, voilà, c'est une parodie de la matinale. C'est la joke. Michel Piccoli. Garance Martelly. Comment s'appelle-t-elle? J'ai déjà plus son nom. Jacqueline Maillan. Ouais, bah je vois qu'elle te. Mais non, bref. C'est vrai qu'on peut rire de tout, mais pas forcément ici, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, bah je m'excuse. Alors, termine. J'ai encore un peu de temps. Oui, bien j'ai sûr. Encore un alors, peu de temps. Vas-y, 10 secondes. Je termine avec le fait que c'est la journée internationale des infirmières. On les salue et c'est la Saint-Achille aujourd'hui. Et le proverbe, si tu sais pas quoi faire le 12 mai, Netflix et une Saint-Achille. Excellent. Et voilà, et on fait un petit coucou à Monsieur Talon. Et Piccoli. C'est l'horoscope, et on va faire un horoscope spécial Elon Musk, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Elon Musk est sur le point de racheter Fadjet. On va voir au travers de son horoscope si tout se précise, toutes les constellations sont là pour justement que la transaction se fasse. C'est juste après Chinese Man and Tad Titrak. C'est à peu près ça, ouais. Trikaz. Exactement. C'est ça? C'est ça, oui, c'est ça, Trikaz. Allez, c'est parti. Chinese Man Operas. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Et un petit coucou pour Galon qui nous a fait les bandes son. C'est vrai que ça fait plaisir. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Tout de suite, cela devient beaucoup plus sérieux. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour notre page horoscope. Il y a un horoscope un peu spécial parce que, comme je le disais tout à l'heure avant Opéras, que Elon Musk est en tractation. Est en tractation pour pour racheter Fadjet. Je crois qu'il est actuellement en train de créer un pool financier pour pouvoir avoir les reins assez solides pour racheter l'association Fadjet. Il est actuellement au McDo de la rue Saint-Dizier pour prendre un petit café avant de venir. C'est une bonne info à donner parce que ça peut être un raz-de-marée et plein de monde qui va au McDo. Il n'était pas attendu, hein, donc après. Oui, mais là les gens. Oh, enfin bon. Donc on va travailler sur son horoscope d'aujourd'hui pour savoir s'il y a anguille sous roche ou si c'est un gros fake, quoi. Ok, je suis d'accord. Alors Elon Musk est né un 28 juin, on a regardé tout à l'heure, et un 28 juin c'est Taureau. C'est toujours cancer, mais Taureau c'est mieux. Pardon, c'est cancer. Mais bon, pas c'est taureau, cancer. Hein. Non, mais c'est cancer. Une ferveur optimiste guidera vos pas. Ainsi, de remarquables réalisations vous attendent. Ça, c'est en travail. Oh là là là là. Et ça prouve. Ça prouve tout bêtement. Hein. Alors, ça prouve et ça peut ne pas prouver parce que, en tout cas, ouais, non, mais ça veut dire que ça y est, il va passer à l'acte. Ben, il vient tout à l'heure. Est-ce donc, que ça sera bien Fadjet ou est-ce qu'il va pas racheter RCN ou Radio Jericho? Ah, tu vois, en tout cas, là, clairement, il a pris une position. Hein, je le relis. Une ferveur optimiste guidera vos pas, ainsi de remarquables réalisations vous attendent. Ah, ça peut être Radio Jericho, ça. Hein. C'est vrai que, personnellement, je me demande, là, j'ai un petit doute, du coup. Est-ce qu'on pourrait pas appeler Radio Jericho en prenant un accent en anglais pour américain, faire même. Croire si, justement, il en approche ? Parce que si Radio Jericho décroche en disant « Ah, Elon Musk !» Ça veut dire ils nous la mettent à l'envers. Après moi je ne peux pas appeler Radio Jericho parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être même Radio Cocorico, mais j'ai pas Jericho. Oui, c'est vrai. Je parle en amour là, parce que l'amour ça a aussi une interdépendance avec le travail. C'est étroitement lié avec la radio. Mais c'est lié à Fadjet l'amour. Mais clairement. Parce qu'on ne prononce que de l'amour via les micros. Et là je vous laisse. Alors ça parle de lui-même. Vénus Réos votre fougue et vous rend irrésistible. Et puis la chance augure une période pleine de complicité. Bim. Et ben moi je pense que tout a été dit. Ouais.

Et ce ne sont plus des supputations. Elon Musk est bien dans les locaux de Fadjet cet après-midi. Il est arrivé, oui. C'est une exclusivité Fadjet mondiale. Il y a beaucoup de monde dans le studio du coup, hein, parce qu'il y a toute son équipe. Jocelyn a dû partir. Ouais. J'ai dû me fâcher avec François, ce qui est malheureux en soi, parce que François voulait être là, hein, François Barthélémy. Oui. Mais alors, on a James qui est là pour traduire. Oui, je vais traduire. Oui. Voilà. Elon Musk, bonjour. Hello, everyone. Alors, première question, parce que on veut tous se savoir, est-ce que pourquoi vous êtes sur Nancy? I'm not in a different position, you know, it's fucking to Tesla and SpaceX. Alors en fait, Elon nous dit que il a envie de montrer son nouveau modèle de Tesla et il est venu à Nancy pour l'exhiber. Et voilà. Pourquoi Nancy à ce moment-là? Enfin, clairement, là. On sait qu'il y a des tractations, on sait qu'il y a des échanges plus ou moins formels, informels avec Fadjet. Et vous nous dites que vous êtes là juste pour tester une Tesla. Fadjet Radio, you know, different position, like Jericho and Radio. I prefer Fadjet, but in Tesla it's better, you know. Alors en fait là il dit qu'il a beaucoup hésité entre Fadjet Radio et Radio Jericho, comme tu le supputais tout à l'heure, oui, Tristan, mais ouais. Il s'est rendu compte que Radio Jericho n'existait plus depuis 1994, okay. Et que du coup dans sa Tesla il n'écoute que Fadjet quand il vient à Nancy. C'est vrai, ah oui, et quelle est votre émission préférée sur Fadjet? Qu'est-ce qui a fait justement que vous vous intéressez à cette radio que vous ne connaissiez sûrement peut-être pas avant? I'm falling in love with the matinal of this return and I love you guy and I love the radio Fadjet 94.2. Alors il a dit qu'il adore la voisinade de Gaylon et qu'il ce qu'il préfère surtout c'est les anecdotes de Rodolphe. Ok, d'accord, très bien. Du coup, est-ce que là en direct vous pouvez nous dire, nous confirmer que ça y est, la transaction est faite entre Elon Musk Corporation et Fadjet? Oh yeah, 2 million of cash, bring it, come for you, and all is good, you know, and I'm here, I'm at home, that's me, that one, yeah. Alors là, en fait, Elon vient de dire qu'il a même donné un montant, je sais pas si on peut le donner à l'antenne, je regarde juste l'avocat d'Elon Musk, qui est juste... ah, il me fait un signe comme quoi j'ai pas le droit de le dire, mais d'accord. Oui. Alors je ne sais pas. C'est une très très belle somme. C'est une très très belle somme très que va empocher Fadjet. Dernière question, quelles vont être les répercussions de l'arrivée de Elon Musk sur Fadjet, sur la programmation, sur le personnel, sur des choses comme celle-là? Some glaze and Mary Window and Linux and SpaceX and Fusée, Saturn, Venus and Radiator. En fait, il dit qu'il va pas trop changer le personnel, par contre il va changer les fenêtres parce qu'il trouve que c'est très très mal isolé quelqu'un qui ne voilà. Et on peut peut-être lui demander de dire un petit mot en français, connaît un petit mot en français. En guise de mot de fin d'ailleurs. Ah oui, bonjour la France, la baguette, and vive Tesla. Et vive Tesla. Merci beaucoup, Elon Musk. Merci. Thank you. Thanks a lot. Love you, guy. Love you. On vous vénère depuis que vous avez racheté Fadjet. Et écoutez, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu. On verra dans le journal, ou du moins, ça aura une répercussion sur le reste de l'émission. Ça, c'est certain. C'est pour on fera ça après. Ouais. Ah. Ouais, merci. No photo, Mano Negra, King Kong 5, et ensuite le journal. Fever, beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. Tweets and tricks to do the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. With a King Kong 5, through the King Kong Drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head. I'm head like a bomb dome. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dome. Twitch and do the boogie like. like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with a Buddha's fear. To the beat, a beat of the song song buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of the song song buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song song a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song song a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on a Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire, King Kong drive on a Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. A beat of a song song buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song song a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat. Mano Negra, King Kong 5. La matinale de 18h. Il est 18h31 minutes quelque chose. C'est le deuxième flash info de la matinale de 18h et on passe tout de suite aux informations nationales et internationales avec James. Pour inciter les citoyens à aller voter, un député propose d'attribuer toutes les voix des abstentionnistes à Manuel Valls. Cette mesure a d'ores et déjà été remise en cause par le Conseil constitutionnel puisqu'elle reviendrait en fait à rendre le vote obligatoire, ce qui va à l'encontre des textes de loi sur le vote. La Chine annonce s'entraîner au cache-cache géant. Effectivement, face aux rues vides de Shanghai et de Pékin, le gouvernement chinois a déclaré qu'il s'agissait d'un simple jeu que les habitants des deux mégapoles ont décidé de faire, et pas un confinement strict imposé pour faire suite à l'épidémie du Covid-19. Voilà qui va faire taire les mauvaises langues. Oui, Emmanuel Macron propose de généraliser le travail du dimanche pour éviter la déception du jour férié qui tombe le dimanche. Le président s'est déclaré indigné que de si nombreux Français soient privés du bonheur d'avoir une semaine raccourcie grâce à un jour férié, et entend bien ainsi lutter contre l'ambiance morose qui règne en ce moment. Et on salue Emmanuel Macron qui n'a pas pu être là à notre invité politique. Merci James, on passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Ouh là là. Les informations locales. Alors c'est là, exceptionnel. Il n'y aura pas de manifestation samedi après-midi prochain. 30 degrés et un grand soleil sont attendus ce samedi, c'est sur un référendum proposé par la MSS, la manif sauf si soleil, que samedi c'est barbecue, mais pas sur un terrain, mais bien sur un rond-point, pour, je cite, ne pas perdre l'habitude non plus. L'EHPAD de Bayon inaugure sa nouvelle piste de danse dénommée Mamie débranchée. Parti d'un nom pour soutenir l'écologie, le résultat est tout autre. L'EHPAD dénué de locataires va se réorienter sur l'hôtellerie pour remplir ses lits, en espérant que cette réorientation mettra un peu de vie dans l'établissement. À force de débrancher. La région étudie la possibilité de bloquer les Belges et les Néerlandais descendant dans le sud pour relancer le tourisme en Lorraine. C'est en effet ce qu'a proposé ce matin le préfet de la Lorraine. Des postes de douane seraient posés aux frontières. Les touristes devront remplir une attestation signée sur l'honneur pour passer la frontière et être escortés jusqu'en sol lorrain. Oui, escortés, le préfet a peur qu'ils se perdent en passant seul en Meuse. Merci Jocelyn pour ce flash info. On te garde sous la main puisqu'on passe tout de suite à la météo. À la météo. La météo. Oh, je le refais parce que je l'ai raté. Ah, vas-y, relance. J'ai enlevé le début et c'est ballot. Attention. La météo. Ah là, c'est mieux. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien. Mais au bout de combien de mojitos est-ce que la menthe et le citron vert rentrent en compte? C'est une question que je me pose. Car au vu du cagna qu'on va avoir, je préfère demander. Gros soleil à déclarer. Vous allez pouvoir vous dorer la pilule tout en étant payé grâce au nouveau télétravail renommé Télécafé Clope au soleil, doigts de pied en éventail, travail. Voilà, et c'est vrai qu'en ce jeudi 12, il fait déjà très chaud. Et oui. Surtout à Mont-Soleil-Mines. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour... Oh là, j'ai oublié, c'est pas grave. Hop là, je vais faire comme ça. On passe tout de suite à l'émission des grosses fesses. Et l'émission des grosses fesses, c'est qui s'y colle? Eh bien, écoute... C'est moi. C'est... Oh là, j'invertis les prénoms, moi. C'est James qui présente exceptionnellement. Pourquoi on écoute Booba ? Parce que justement. Parce qu'on va jouer c'est au un grand préambule. Jeu. Maurice Carême ou Booba ? Vous allez en savoir voilà. plus. Maurice Carême ou Booba, c'est le jeu des grosses fesses. Juste après. Booba, ma couleur. Bien sûr. Jugé à cause de ma couleur. J'ai fait les choses dans la douleur. Et j'ai fait les choses à ma couleur. Nécro dealer, dealer. J'aime quand la pluie commence à tomber. Car on ne voit plus tes larmes. Et toujours un manque à combler. Je dois tout à une femme. Surveillé par les douaniers. Pépé sur le poignet, je traîne seul ou mal accompagné. J'ai commencé plus bactère, super Walter. Juste un revolver, quelques poids et haltères. À cause des préjugés, pense à tout ce que t'as raté. Malgré tes diplômes, personne ne t'a jamais rappelé. J'ai dû me faire seul tour, suivre mon mec tout. Pour avoir les mêmes chances que les autres, j'ai dû faire le doux. Ronce du bitume, je ne fane pas. Quand j'y vais dur, je ne blague pas. Je n'ai pas atteint mon but, je ne trinque pas. Ne bouge pas, ne craque pas, ne doute pas, ne parle pas, ne plie pas, ne part pas, ne lâche pas. Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Et j'ai fait les choses à ma couleur, nécro dealer, dealer. J'aime quand la pluie commence à tomber, car on ne voit plus tes larmes. J'ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à jamais au premier rang, toujours dans les embrouilles. En cours, je suis parti en couille. J'suis peut-être fou, mais j'donnerai pas mon bif au psychiatre. Après dit Jack, ma soirée sera paradisiaque. J'ai su me tirer d'affaire, ils ont voulu ma peau. Crapaud devenu prince, cheval cabré sur les capots. J'ai repeint le monde à ma couleur. En vert, en jaune, en violet pour apaiser ma douleur. Qui va croire en toi, dis-moi si tu ne le fais pas. Miséricorde envers mes ennemis, je ne l'ai pas. Négro, une haine venue d'ailleurs, guide mes pas. Vrai reconnaissent vrai, je sais qu'il est, qui ne l'est pas. Et si tu te demandes pourquoi. Jugé à cause de ma couleur. J'ai fait les choses dans la douleur. Et j'ai fait les choses à ma couleur. Négro dealer, dealer. J'aime quand la pluie commence à tomber. Car on ne voit plus tes larmes. J'ai toujours eu un manque à combler. Je dois tout à une femme. La terre veut pas qu'elle sous les semelles. Pas d'arrachage de sac car je ne m'attaque pas aux femelles. Bisous sur la bouche avec la langue dès la maternelle. Élevé par une lionne, pas eu besoin d'un paternel. Moi j'avais d'oseille, plus j'étais dangereux et cruel. Sang sur les chicots, reflets violets dans les prunelles. J'ai été bon, j'ai été mauvais. Violence urbaine, j'ai toujours payé ce que je devais. Pour l'instant je suis dans le sang, la suite on verra. Des fois le peurage en est... Booba, ma couleur. La matinale de 18h, l'émission qui vous réveille sur Fadjen. La matinale de 18h, c'est moi qui parle, c'est moi qui présente aujourd'hui l'émission des grosses fesses, car c'est moi qui organise ce superbe jeu. Autour de la table, on a Jocelyn qui est là. Bonjour. Et on a Tristan qui est là, voilà, c'est super. Quel plaisir de pouvoir... Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu spécial, ça s'appelle Maurice Carême ou Booba. On vous rappelait tout à l'heure, on a parlé de Maurice Carême, ce célèbre poète pour enfants. Ouais. Booba qu'on vient d'écouter. Alors, donc je vais vous faire des citations, vous allez me dire si c'est de Maurice Carême, de Booba... Ou les deux, hein, parce que j'ai fait des petits Maurice mash-up Carême, des fois. Poète, ah, des petits mash. J'ai fait des petits mix, d'accord. Okay. Donc on commence avec la première. Peu importe qu'ils me haïssent, pourvu qu'elles m'aiment. Booba. Ah, j'aurais dit Booba ouais, aussi. Ouais, c'est Booba, bien joué, bravo, bravo Tristan. Ouais. T'as les points. 1-0 pour Tristan. C'est, est-ce que ça peut être les deux? Ça peut être les deux, je l'ai dit. Ah, pardon, hein, pardon, j'ai fait pardon. Un mix ouais, des non, deux. J'étais tellement voilà. que... Je ne sais ni bêcher, ni hercer, ni faucher, et je mange le pain que d'autres ont semé. Oh, c'est beau. C'est Carême. Ah, c'est Carême. Moi, c'est je pense que c'est... Moi, c'est. Non, mais Booba. Ah, je peux le dire, c'est Booba. Booba, c'est Booba. Bêche pas. Non, c'est des verbes en des rimes en ER. Booba bêche. C'est Booba. Non, c'était Maurice Carême. Bien vu, Tristan. Bravo. 2-0. T'as déjà vu Booba bêcher? C'est vrai. Non. Non, mais oui. Ratisser, bêcher, et puis je sais plus quoi. Non. Lui, c'est rappé. Il voulut peindre... Alors, attention, troisième question. Il voulut peindre une rivière, elle coula hors du tableau. Il lui montra ses billets, elle coula aussitôt. Oh. Je tente le 2. Ouais, bon, mais tu vois, tu dis tout ce que je pense, mais avant c'est moi. C'est ça, c'est les 2. Non. Ah, mais il est trop bon. Point faible, trop fort. Ah ouais. Alors, Ascension, elle est facile. Ouais. Et attention, si vous écoutez avec vos enfants dans la voiture, ouais, fermez-leur les... bouchez-leur les oreilles. Ouais. Je nique des mers à toute vitesse, ma queue a le syndrome de la Tourette. Carême. Exactement, c'est dans un poème, yes, pour enfants. Bah autant je le vois pas pêcher, autant... autant c'est plus imagé, c'est le... Alors, ouais. Un autre, on a le temps pour un autre ? On a le temps pour un autre, oui, oui, bien sûr, bien sûr. On vendit le chien et la chaîne et la vache et le vieux buffet, mais on ne vendit pas la peine des biatchs qu'on chassait. Les deux, mix. Yes. Premier point. Les mix. Bah, bah, bang, bah, bang, bah, non, bing. Mais c'est vrai, les mixtes. Oui, les mixtes. Les oui. deux. Non, mais attends, quand je dis les deux, c'est que j'ai fait un mix des deux, en fait. Ah, d'accord. Ils étaient pas en featuring. Je pense pas que dans... Non, mais en fait, dans tout le répertoire de Maurice Carême et dans tout le répertoire de Booba, il n'y a pas une phrase qu'ils ont dit toutes les deux. C'est ça, la question que j'allais te poser, c'est... Non, mais Booba n'aurait quand même pas récupéré du Carême. Non, ça aurait été... Pas à ma connaissance. Mais j'ai fait des mix, hein, c'est pour ça. D'accord. Donc, c'est des compositions personnelles. Et ça, faut l'envoyer au producteur, hein, parce que ça va... Ça ah bah, ça va. On sent que Elon Musk, t'as mis la pression, parce que là, il y a du high level. Ah bah, j'ai bossé, moi. Oh, wow. Un petit autre. Une petite dernière. Allez. Ce n'est pas que je n'aime pas me mélanger, c'est juste que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Booba. Ah, ça ressemble c'est à Booba. Du Booba, mais en même temps, c'est pas assez vulgaire, donc je dirais quand même. Et non, c'était Booba. Ouais, c'était c'est Booba. Booba. Oui. Et Tristan est incollable. Hein, mais ouais. Mais les gangsta rap aussi. Hein. Je m'applaudis tout seul. Je m'en passerai pas. Voilà, merci pour ce jeu. C'est la fin de ce jeu qui était Maurice Carême ou Booba. J'espère que vous êtes bien amusés. Ah oui, c'était vraiment drôle. Je te laisse annoncer ce qui va arriver après la musique. Voilà, ce qui arrive après la musique, tout simplement, c'est la suite de l'émission avec Tristan, avec l'invité Showbiz. Tristan va laisser sa place à l'un des membres des Tantans qui vient tout à l'heure. Ah oui, on a hâte de le recevoir. Qui sont les Tantans? Les Tantans, ce sont deux jeunes hommes. C'est un duo comique. Un duo comique, exactement, qui joue demain à Pichon. À 20h30. À 20h30 à Pichon. Et il reste encore des places. Et il reste des places, donc n'hésitez pas. Allez-y, on va en parler. Ouais. On va parler de tout ça avec l'un des deux membres. Et c'est juste après Sting, Englishman in New York. Quel beau membre. À tout de suite. My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Writing. You couldn't pass the only one. bad gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Englishman in New York. La matinale de 18h, l'émission qui est... Bien. Bonjour à tous et à toutes. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Et je suis en roulime là. Je présente l'invité showbiz qui n'est pas des moindres, qui est bien sûr le tantan, un des deux tantans du duo plus qu'iconique, les tantans finalement. On l'accueille avec James. James, bonjour. Bonjour et bonjour, Tantan. Bonjour, Tantan. Bonjour. C'est rigolo parce que je m'attendais pas à aussi micro. Ouais. C'est un gros micro. Hein. Bah oui, ça c'est pas, on n'a pas l'habitude. Hein, on n'a pas l'habitude de ce showbiz de Nancy. Hein. Nancy, est-ce que vous venez souvent à Nancy? Si en fait, quand je dois amener, parce que comme je suis premier adjoint au maire à Brémoncourt, après les élections, je ramène à la préfécture les bulletins de vote. Ah, et donc voilà, donc on est des fois, quand même. On des, est des fois, je reviens. Et donc, vous venez sur Nancy pour jouer, c'est ça? Oui, et c'est demain soir. En fait, si je peux parler de mon spectacle. Un petit peu, parce on a quelques on minutes. On est deux, en fait, il y a mon frangin, mais mon frangin, il est un peu, un peu bête. Ah. Mais il fait rire les gens. Et là, on a un spectacle, parce que... Si je dois raconter le début, c'est mon frère qui est exploitant agricole, mais qui a une exploitation de cochons. Et en fait, sur la foire agricole du coin, pendant que j'étais en train de tracter, moi, pour les municipales, eh ben, il a gagné le poids du porcelet. Vous savez, on doit deviner le poids du porcelet. Ah, il l'a trouvé. Ah, oui. Il a trouvé. Impressionnant. Impressionnant. Ouais. Ah, c'est... Et le prix c'est un voyage pour deux à Paris. Et j'allais pas laisser tout seul, hein. Ah, donc vous êtes allé à Paris et c'est ça que vous racontez sur scène, en fait. C'est ça. C'est magnifique. D'accord, c'est ça. Ok. Donc c'est demain. À Paris, à côté, hein, c'est autre chose, hein, même par rapport à Nancy. Hein. Ah bah Paris, c'est différent de Nancy. Hein. Ah, vous faites bien de le constater, cher Tantan. Et du coup, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'est pas là, votre frère, aujourd'hui dans les locaux de Fadjet? C'est dommage, on aurait bien aimé vous voir tous les deux, finalement. Il semble avoir envoyé deux invitations. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait des tensions, en fait? Est-ce qu'il y aurait des tensions entre les Tantans? Des tensions, j'aime dire. Ouais, exactement, des tensions. Non, il n'y a pas de tension, c'est juste qu'il est incapable de parler. Et il y a des moments où, si on ne dit pas les choses comme il faut les dire, eh ben, vaut mieux qu'il ne vienne pas. Ah. Il n'y a pas de tension. Ah, il n'y a pas de tension, mais on sent une petite colère quand même, non? On sent un peu une hystérie, quelque chose de... Et pourquoi on dit... Vous êtes Tantan 1 ou Tantan 2? Ah non, on est Tantan. En Tantan, c'est maman qui nous appelle toujours Tantan. D'accord. Comme ça. Et est-ce qu'elle sera dans la salle, maman? Ah, maman sera dans la salle. Ah, aïe, demain aïe. À Pichon, là, aïe, 20h30. Aïe, 20h30, à la MJC Pichon, c'est bon pour loin. Je suis venu à pied, C'est vraiment à deux encablures, comme on dit. Hein, bah oui, ici, oui. Hein. Et est-ce qu'il y a un peu de stress avant ce grand rendez-vous? Eh ben même pas. Eh ben même pas. Pas de stress. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à raconter sur notre périple qui s'est passé à Paris. Parce qu'on a vu de belles choses. Hein. Ah oui? Ah oui, on a vu l'Opéra Garnier, on a vu une exposition, mais je dis pas de quoi. Ah, ouais. Et puis on a vu plein de gens, puis on a fait le métro. Oh, bon, le métro. Vous avez déjà fait le métro, vous? Une fois, mais ça m'a déplu. Eh ben, nous, il nous arrivait plein de choses, mais je peux pas raconter. Ah, bah, je peux pas raconter, mais demain. Oui, il faut venir demain soir à 20h30 à la MJC Pichon. Il reste des places sur le site de la MJC Pichon. Vous avez www.mjc. Oui, les gens, ils savent trouver un site internet, vous inquiétez pas. Hein. Vous tapez mjcpichon.com et vous le trouvez. Hein. D'accord. Oui, oui. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça fait très plaisir donc, de vous accueillir, Tantan 1. Merci. Une dernière question peut-être, James, avant qu'on passe à la suite. Oui, alors, c'est quoi l'étape d'après Pichon? Qu'est-ce qui se passe après Pichon pour les Tantans? Est-ce qu'on va peut-être s'installer à Paris? Oh, la question. Mieux que ça encore. À Los Angeles? Non, c'est la foire à pousser. Oh oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, alors la foire à pousser, c'est... On table sur du... Oui. Ouais, c'est en octobre, c'est le dernier week-end d'octobre, et là, la faut pourquoi on loupe la foire à pousser. Il y a tellement de monde. Et juste une toute petite dernière question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec Elon Musk là dans les couloirs? Je vous ai vu un petit peu. Ah oui, il était passé, c'est vrai. Hein, vous avez peut-être pu parler un petit peu. Elon Musk. Ah, le monsieur qui parle pas français? Oui, ah bah oui, vous ne savez pas qui c'est peut-être. Mais non, mais il est épaté par ma tenue vestimentaire. Oui, c'est vrai que vous êtes vraiment très très joli. Et du coup, il m'a fait une photo de lui avec moi avec son téléphone portable. D'accord, ok. Bon, c'est bien. Ça fait un souvenir pour lui, ça fait plaisir. Ah oui, voilà. Ravi qu'il soit venu pour vous voir, madame, pardon. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Tantan. Merci. On vous souhaite un très beau spectacle pour demain. Et voilà, puis, demain soir, à l'MC Pichon, à 20h30. Voilà, c'est bien résumé, c'est en gros ça. Et en tout cas, j'espère. Ça va bien se passer. Je sais pas quoi dire, j'allais dire merde, mais on est à la radio. C'est ce qu'on dit. Non, on est à la radio, je me suis dit, on va dire caca. Bon, oui, voilà. Bon, bah, je vous laisse alors. Hein. Bah oui, allez, je lance la musique, c'est parti. Oui, allez-y. Allez, au revoir. Bon, je lance la musique alors. Bah oui, j'écoute la musique alors. Bah, écoute la musique. Mes baskets blanches, mes locks, l'encre a coulé comme le Trois-Rivières. Ouais. Au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une classe ouvrière. L'idole des jeunes docks restera le même, de Porte de la Chapelle aux ondes hertziennes. À l'heure où le monde se bouscule, je repasse ma vie à l'envers. J'en ai fait des rêves, des calculs, j'ai jamais voulu vraiment me laisser faire. Oh, jamais. Et le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble. Nos bien. Rêves, nos points, on guide et nos refrains. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette la rien. La moindre trace, je l'ai bâti de mes les mains. Rêves, nos points, on guide et nos destins. Mes baskets blanches, mon RER, l'encre a coulé dans ma carrière. Temps plein, viser le haut, contemple mon temple est légendaire. Mon air amer, mon teint, mes rêves sont restés les mêmes. T'emporter le flambeau, représenter l'honneur des miens. Mes baskets blanches, ma grande gueule, de l'encre sur les mains. Mon stylo était meurtrier, coupable, ennemi numéro 1. Entre merde et pertes blanches, j'ai le coup pour la revanche. Boxeur, breaker, rappeur, acteur, attitude franche. J'ai chanté les hommes, leurs désirs, les destins fragiles et l'amour. On a voulu que je tombe sur place. Moi j'ai souvent fait face et je combats toujours. Et le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble bien. Nos rêves, nos points, on guide et nos refrains. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace, je l'ai bâti de les rêves, nos points, ont quitté nos destins. Dealer de hip-hop, rock, des burnes dans le froc, fusion guitare et peura pour civil et colboc. Ministère Johnny, aussi burné qu'un keuf sous Sarkozy. Liberté dans ma musique et le savoir comme musique. Basket blanche et blouson noir, génération manque d'espoir. Exempté de conneries que ce gardien me foute la paix. Lascar abandonné, j'ai le rêve des cités dortoirs. Mon rap tout terrain, mon RTT, c'est ça qui est la vérité. L'être humain porte en lui le meilleur. Je sens encore le poids de mes erreurs, de mes erreurs. Le pire a si souvent été là. La peine guidée mes pas, mais je la garde au fond de moi. Et le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. frappé. Je l'ai bâti de mes rêves, nos points. Rock et son, mon rap est profond. Sexe comme une langue sur un téton. Dur comme les blocs de béton. Dealer de hip-hop. Dealer de hip-hop rock. Johnny Hallyday et le ministère amer, le temps passe. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. C'est l'heure du jeu auditeur, c'est encore James. Tristan est encore parti, visiblement. Et du coup, on va s'y coller, toi et moi, Jocelyn. On va faire le jeu auditeur, on va appeler un auditeur au hasard. Mm-hmm. C'est parti, je te propose de composer le numéro. Ah. Ça sonne. Ça sonne encore, attention. Allô ? Ah. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oh. Ah, c'est encore vous ? C'est encore qui ? C'est qui m'appelle ? C'est Fadjet Radio, monsieur. Non ! Moi, c'est Fadjet ! Oh, mais décidément, vous me quittez pas, hein. Ah bah, je reconnais cette voix, c'est... Bah, vous êtes t'entends. Bah oui, je suis t'entends. Bah, pourquoi vous m'appelez là ? Est-ce que si j'ai oublié quelque chose ? Bah écoutez... J'ai encore oublié quelque chose au plateau. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez laissé votre numéro dans notre tirelire où on pioche les numéros au hasard des auditeurs, et c'est sur vous que c'est tombé, pour le cabas de Fadjet. Alors ça, c'est vraiment surprenant, hein. Ça, c'est une chance, incroyable. Attends, maman, j'ai envie de Fadjet. Et il m'appelle parce qu'il y a le cabas à gagner. Voilà, c'est votre mère derrière, c'est ça ? Oui, c'est maman. Ouais. C'est maman. Bon, bah, effectivement. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le principe du cabas de Fadjet ? Ah, bah oui, ah bah, j'écoute toutes les semaines. Hein. Ah, vous écoutez toutes les semaines. Bon, enfin, ça m'est sur deux parce que des fois, il y a la cousine du Guélon. Bah oui, ça vous aimez bien aussi. Hein. Le Guélon, ah oui, il est rigolo. Alors, je te propose, Jocelyn, de tout simplement de regarder ce qu'il a dans le cabas et de demander à notre ami Tantan. Ah bah moi je suis dessus, j'ai le cabas devant les yeux. Il l'a dans les mains, oui. Alors, je dis ce qu'il y a dessus. Ah bah c'est le principe du jeu. Alors, il y a un jeu détente. Il y a un jeu détente de Bernard Tapie et Doc Gineco. Oui, un clip. Il y a un gobelet Starbucks avec le nom de Jocelyn écrit dessus. Alors, attendez, je vérifie. Alors, ah bah si, ah bah c'est... Oui, oui, Jocelyn, ah bah, oui, avec une faute d'orthographe, oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à la base, mais tu as fait tomber ton gobelet dedans, et d'accord. Donc désormais il est dedans. Voilà. Ça, c'est ballot. Il y a un jeu dentaire dont le nom est inconnu. Et la dernière chose, c'est une casserole thermos. Alors oui, casserole thermos, mais il faut rajouter un peu plus de détails, parce que j'ai une casserole, d'accord, thermos, mais... Mais quoi ? Bah elle est comment, cette casserole ? La couleur. Maman ! Elle est comment la casserole thermos du cabas à gagner ? Comment ça, tu sais pas ? C'est important ? Ah bah ça fait partie du jeu. Alors, je sais pas. Allez, 5 secondes. Ah bah alors, vert. Oh. Vert, oh là là, c'est gagné, super ! Oh, ça c'est beau. Oh là là là là. Ah oui. Oh, et je crois qu'Elon Musk est en train de revenir pour vous féliciter. Oh. Beautiful, eh? Mon Elon! Il est déjà parti, il est déjà reparti, il est juste un coup de vent, c'est superbe. Je l'ai invité à venir manger des pieds de porc à Brémoncourt. Ah bon, bah voilà, alors c'est super, vous avez gagné ce cabas, vous êtes la première personne depuis des semaines à le gagner. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Bravo à vous, Tantan. Merci beaucoup. On vous félicite, on rappelle à tout le monde que demain, 20h30, vous serez à la Musique Pichon si vous voulez partager votre cabas, voilà, n'hésitez pas. À venir. Et puis on enchaîne, on va terminer cette émission désormais. Oui, tout bêtement, on va terminer. Voilà, terminé. C'est la fin. Ah bah voilà, Tristan revient dans le studio. Bon, excusez-moi, j'étais en train de négocier avec Elon Musk une présentation parce que j'aimerais présenter la voisinade. C'est pas gagné. Mais voilà. Merci d'avoir tenu la baraque, les petits gars. Bah et on est là. Hein. Merci pour d'avoir été toujours aussi fidèle à regarder, à écouter même la matinale de 18h. Nous on se retrouve dans 15 jours, on sera donc le 27, non ? Bah à peu près, oui. Non, parce que le 14, ça fait 26. Le 26. 12 le 26. Et 14, ça fait 26. Ben voilà. Parce que là, on est parce que 12. C'est pas 15. Donc le 26. En attendant, la semaine prochaine, c'est la voisinade que je vous conseille d'écouter. Oui. Avec Guélon, Camille et Mélie. Et puis je ne sais plus qui est la dernière. Et nous, on vous dit à tantôt. À tantôt. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Salut. Ciao. Bisous. Amusez-vous bien.